Bora. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 20 septembre, nous souhaitons une bonne fête au Davy et au Eustache. On est à quelques jours de l'automne, hein, si ma mémoire est bonne, c'est lundi, on va profiter de ces derniers jours d'été. Un dicton qui nous dit « Gelée blanche de Saint-Eustache, grossit, le raisin qui tâche ». Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 20 septembre en 1946, c'était l'ouverture du premier festival de Cannes. Allez, tout de suite, on va s'écouter un message d'intérêt général. Fluo, c'est quoi? C'est la nouvelle appli pour organiser tous vos déplacements dans le Grand Est. En quelques clics, trouvez des tarifs, horaires et itinéraires en temps réel, combinant tous les modes de déplacement. Train, tram, bus, vélo, covoiturage, autopartage, ainsi que toute l'info sur vos réseaux de transport. Rendez-vous sur www.fluo.eu ou téléchargez l'application. Fluo, l'appli de tous vos itinéraires en région Grand Est. Et maintenant, on va écouter Christopher. Aujourd'hui, je reçois par téléphone Madame Christiane Butz, directrice de l'association familiale de Dommartin et Hermiremont. Bonjour Christiane. Bonjour. Donc vous organisez très bientôt, donc ce dimanche il me semble, un troc de plantes et vide de jardin. Tout à fait. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien écoutez, c'est une manifestation que l'on fait depuis 2012 je crois, si ma mémoire est bonne. Donc deux fois par an, les personnes qui ont des surplus dans leur jardin, soit des graines, soit des replants, soit comme pour l'automne des récoltes, pommes, noix, potirons et compagnie, peuvent les amener et bon, les personnes qui en ont besoin peuvent se servir comme ils veulent. C'est un service qui est absolument gratuit et il n'est pas obligatoire d'amener quelque chose pour bénéficier de ce service. Les personnes qui sont dans le besoin peuvent donc très bien venir et se servir. C'est gratuit, tout est gratuit. Oui, c'est, le principe c'est un échange, mais ce qui m'ennuie c'est que le nom troc veut dire échange. Mais oui. Nous on part du principe que les personnes qui n'ont rien, des débutants jardiniers débutants, bah, il faut bien qu'ils puissent se servir. Donc voilà. Alors donc c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr dans la mesure du raisonnable, hein, on veille au grain. D'accord. Est-ce qu'il y a un nombre d'exposants? Non. Chacun vient comme il veut. Nous, on met à disposition des bancs, des tables pour que chacun vienne avec ses cagettes, ses contenants et puis on se sert. D'accord. Donc ça se passe au sein de l'association familiale? Oui. D'accord. Si nous voulons plus de renseignements, comment est-ce qu'on peut vous contacter? Eh bien, au 03 29 62 30 08. D'accord. Une adresse mail peut-être? C.butz. butz@orange.fr et je répondrai. D'accord, donc nous rappelons que c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite d'âge, pas de prix. Pas de limite d'âge, pas de prix, liberté totale. D'accord. Bon, moi, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de cet événement. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Donc nous invitons tout le monde à venir nombreux du coup. Ah bah avec plaisir. Nous avons demandé le soleil, mais je ne peux pas vous le garantir, mais normalement il devrait être là. Bon, on espère, c'est toujours plus agréable que du soleil. Ah tout à fait, oui. Donc bah merci une nouvelle fois. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée merci. Et puis bon week-end à tout le monde. Merci. Voilà pour un des événements qui a lieu ce week-end et dans les autres événements. On peut y ajouter hein, le salon Habitat et Bois à Épinal hein, qui a débuté hier. Si on a le temps un petit peu plus tard, on écoutera l'IA avec le son et lumière hein, de la grange de Franou. Mais tout de suite, on va se faire une petite pause musicale avec la chanteuse canadienne Marie-Lou. Elle avait fait un duo avec Garou intitulé « Tu es comme ça ». Et ben, on écoute ça tout de suite. Tu es t'éloigne jamais de ce que tu aimes, de ce que tu es. Tu es comme ça, cœur fidèle. Ton regard se perd parfois, mais rien ne te fait oublier de ce que tu aimes, de ce que tu es. Sourire d'enfant pour eux à l'infini. Tu es comme ça, passagère. Passagère. Tu peux rêver d'ailleurs, mais tous les chemins te ramènent. Comme ça, cœur est libre. Tu peux partir là-bas, mais rien ne t'éloigne jamais de ce que tu aimes, de ce que tu es. Marilou Garou, tu es comme ça sur RGM après presque 8h38. Je vais y arriver. On est toujours dans la matinale. On passe aux anniversaires avec ceux qui sont nés un 20 septembre 1934. Naissance de Sofia Loren, actrice italienne vue dans la Ciocchiara dans le rôle de Cesira, récompensée au Festival de Cannes par le prix d'interprétation féminine et également par l'Oscar de la meilleure actrice. Vue également dans Le Cid, Madame Sans Gêne dans le rôle de Catherine Upshur, dite Madame Sans Gêne, prête à porter dans le rôle d'Isabella de la Fontaine, Les Grincheux 2 ou encore Nine. 1947, naissance de Patrick Poivre d'Arvor, journaliste, écrivain français, présentateur vedette du journal de 20h de la 2, je peux même dire d'Antenne 2, la chaîne n'existe plus, de 1976 à 1983, puis du journal de 20h de la 1, de 87 à 2008. 1949, naissance de Sabine Azéma, actrice française vue dans Un dimanche à la campagne dans le rôle d'Irène, récompensée par le César de la meilleure actrice, vue également dans Mélo, dans le rôle de Romaine Bellecroix, César de la meilleure actrice. Le bonheur est dans le pré, on connaît la chanson, le schpounz, Tanguy, Tanguy le retour dans le rôle d'Edith Getz, La fille du puisatier, Cézanne et moi dans le rôle d'Elisabeth Cézanne, Ma famille t'adore déjà ou encore Red Dingue. C'est également l'année de naissance d'Anthony Denison, acteur américain, vu dans la série télé Prison Break dans le rôle d'Aldo Burrows, The Closer et Major Crimes dans le rôle du lieutenant Andy Flynn, vu aussi dans Urgence, Jag ou encore Esprit criminel. 1956, naissance de Gary Cole, acteur américain, vu dans Dodgeball, même pas mal, Délire Express, Conspiration, La série télé à la Maison Blanche dans le rôle du vice-président Bob Russell, Chuck dans le rôle de Jack Burton, Entourage dans le rôle d'Andrew Klein, The Good Wife dans le rôle de Kurt McVeigh, Sweets, avocat sur mesure dans le rôle de Cameron Dennis, Monk, Supernatural ou encore Desperate Housewives. 1958, naissance de Michael Dana, compositeur canadien de musique de films, notamment sur les films Little Miss Sunshine, Le Stratège ou encore L'Odyssée de Pi. D'ailleurs, il a reçu l'Oscar de la meilleure musique. Et on va écouter justement un petit extrait de l'Odyssée de Pi. Le titre s'intitule « First Night, First Day ». Pour la musique de l'Odyssée de Pi. On continue les anniversaires. 1969, naissance de Bruno de Brandt, acteur français vu dans la série Engrenage dans le rôle du commissaire Brémond, ou encore la série K1 dans le rôle du capitaine Fred K1. 1975, naissance d'Asia Argento, actrice italienne vue dans La Reine Margot dans le rôle de Charlotte de Sauve, Le Fantôme de l'Opéra, Triple X dans le rôle de Yelena, Marie-Antoinette dans le rôle de la comtesse du Barry, ou encore Do Not Disturb. 1978, naissance de Julien Bonnaire, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 2001 à 2017 en jouant au SC Bourgoin-Jallieu à Clermont, à Lyon. Et depuis le 3 janvier 2018, il est entraîneur adjoint chargé de la touche du 15 de France auprès du sélectionneur Jacques Brunel. 1979, naissance de Gilles Alma, acteur français vu dans Red Dingue. À la télé, Le Sens de la Famille, Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, Alice Nevers. Mais on le connaît surtout pour son rôle d'Alain Stuckbecker dans Nos Chers Voisins. 1981, naissance de Feliciano López, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 1997, qui en simple a été numéro 12 mondial en 2015, quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, huitième de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros. En double, il a été numéro 9 mondial en 2016. Il a gagné une fois Roland-Garros, une fois finaliste à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie et huitième de finaliste à Wimbledon. Avec l'Espagne, il a remporté 3 Coupes Davis, c'était en 2008, 2009 et 2011. 1984, naissance de Brian Joubert, ancien patineur artistique français, champion du monde en 2007. Il est également 3 fois vice-champion du monde, 2004, 2006, 2008, 3 fois champion d'Europe en 2004, 2007 et 2009, et 8 fois champion de France de 2003 à 2008 et 2011 à 2012. A noter qu'il a participé à la saison 5 de l'émission Danse avec les stars, saison à laquelle il a terminé à la 3e place. 1988, naissance de Dunia Cossens, actrice française connue pour son rôle de Johanna Marcy dans la série Plus belle la vie, vue également dans Joséphine Ange Gardien ou encore Camping Paradis. 1990, naissance de Marie-Lou, chanteuse canadienne. En 1863, décédé Jacob Grimm, importante figure littéraire, conteur, linguiste, philologue allemand, connu pour avoir rassemblé des contes européens avec son frère Willem et contribué à la rédaction du Deutsches Wörterbuch. En 1946, décédé Rému, comédien français, resté dans les mémoires pour son interprétation de César dans la trilogie marseillaise Marius, Fanny et César, et du boulanger trompé dans La femme du boulanger. Allez, tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale signée Vita et Slimane. Ça s'intitule « Ça va, ça vient ». Dis-le-moi, dis-le-moi si tu te sens seule au milieu de la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond n'a de sens si tu n'as plus la foi. Plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là, alors on n'est pas bien. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là. En vrai, qu'est-ce qu'on est bien. Ça va, ça vient, Vita et Slimane sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47, on parle météo. La météo. Alors les belles journées ensoleillées en ce moment nous font penser qu'on est encore en été, mais à pas se tromper, l'automne arrive bel et bien et les températures de ce matin nous font le clairement comprendre, hein, entre 3 et 5 degrés seulement ce matin, entre 20 et 22 degrés prévus pour cet après-midi. On pourra donc encore bien profiter de ce soleil qui sera encore parmi nous pour la journée de samedi, avec des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés prévus pour samedi après-midi, et ça va se gâter dimanche puisqu'on passera la journée sous la pluie, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 23 et 25 degrés prévus dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Un mot de football avec les résultats de l'Europa League. Et Rennes et Celtic ont fait match nul, un but partout. Et Saint-Etienne s'est incliné à la Gantoise, 3-2. Au programme de la Ligue 1 ce soir, Strasbourg reçoit Nantes. Samedi, Marseille recevra Montpellier. Bordeaux, Brest, Nice, Dijon, Reims, Monaco. Metz recevra Amiens et Nîmes recevra Toulouse. Dimanche, Rennes recevra Lille, Angers, Saint-Etienne. Et on terminera avec Lyon. PSG. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit Chambly. En National 2, samedi, Épinal recevra le club d'Agneau. En National 3, Raon-l'Étape se déplacera à Bichheim et Thaon-les-Vosges se déplacera à Amnéville. Un mot de tennis avec le tournoi de Metz. Et Joe Wilfried Tsonga s'est imposé en 2-7 face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert, 6-3, 6-4. Lucas Pouille s'est qualifié en 2-7 face à Sonego, 6-1, 6-4. Gilles Simon, en revanche, s'est incliné en 2-7 face à Bédéné, 7-6, 6-2. Au programme d'aujourd'hui, Benoît Paire affrontera un compatriote, Barère. Lucas Pouille sera opposé à Krajinovic et Joe Wilfried Tsonga à Basilashvili. Un mot de volley avec les championnats et les huitièmes de finale pour l'équipe de France. Ce sera samedi à 19h30 face à la Finlande. Un mot de basket du côté de chez nous en National 1. Ce soir, le Jet se déplace à Chartres. Et en National 3, samedi, Mirko reçoit recevra le club d'Ozoir Val d'Europe. Un mot de hockey sur glace avec l'AD2, début du championnat ce week-end pour l'EHC et avec un déplacement à Wescal. Et on termine avec du rugby, le début de la Coupe du Monde au Japon, c'est aujourd'hui, cérémonie d'ouverture à 11h ce matin. Et premier match pour le 15 de France, ce sera demain à 9h15 et ce sera face à l'Argentine. Voilà pour toute l'actualité sportive, on va tout de suite marquer la dernière pause musicale signée Ed Sheeran et Khalid sur le titre Beautiful People. Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. This is my only fear, that we become beautiful people. Drop top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, breathing up some broken holes. Surrounded but still you're somehow getting out of this conversation here. Your look's stunning, cause don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Dropped up designer clothes, front row of fashion shows. What you do and who'd you know inside the world. C'était Ed Sheeran avec Beautiful People sur RGM. Et avant de se quitter, eh bien, on va faire un point encore sur un dernier événement qui a lieu ce week-end et il nous est présenté par l'IA. Et aujourd'hui, on fait un petit tour, encore une fois, vers le billet de sortie, comme on aime tant le faire, pour vous présenter cette fois-ci un son et lumière. Mais tout d'abord, on va accueillir avec nous au téléphone Chloé de l'association Les Granges de Franou. Chloé, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Mais ça va bien, merci. Alors, tu nous parlais il y a quelques temps de la présentation d'un son et lumière qui a eu lieu au mois de mai à la ferme de Franou, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, oui. Ok. Donc, suite au succès de ce son et lumière, vous réorganisez le 20 et le 21 septembre à nouveau ce spectacle. Oui, exactement, car nous avons eu plusieurs personnes à qui nous avons dû refuser l'entrée en mai pour faute de place dans nos gradins. D'accord. Donc nous voulions le refaire pour que tout le monde puisse profiter de ces spectacles.